fiévreux de liberté, au sortir de l'adolescence, il s'en vint un été en France, avec pour seule compagne sa naïveté. Les vacances finies, c'est le jour du retour. Pris par le sommeil, il dormait en rêvant. Réveillé en sursaut, le drame est un vautour. C'est trop tard, la mort a déjà rempli le wagon. Jeté du train par ses tortionnaires, son hurlement déchira la nuit. Les rails et les pierres le déchiquetèrent, et la vie le quitta comme un faible cri. De liberté, un jeune homme vêtu d'innocence s'est éteint sous la violence. يروح ورقشي شق نبدو ثقوي ثني يا يوسف بمن تحوس تسهو دي فرنسا نوري جينا ممكن الرياض في تكاسي غز مضروح مضروح يبقى عصيان.